Toujours à l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les meetings de souvenirs, entretiens, conférences et séances de lecture ont eu lieu en Islande, en Éthiopie et en Angola. Les personnalités et habitants de divers milieux des pays hôtes ont exalté le président coréen comme éminent homme politique, commandant prestigieux invincible, père affectueux de tout le monde et grand homme saint sans égal.